Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz. On est toujours le premier podcast en français consacré à la comédie musicale. Je suis toujours avec Fanny. Bonjour. Salut Fanny. Alors avec toi, on va aborder pour la première fois de l'histoire du podcast, qui n'est pas très vieux certes, l'univers des films d'animation Disney, en se penchant sur le film Frozen, La Reine des Neiges en français, qui a été un énorme succès à sa sortie en 2013. Mais tu voulais aborder le film sous un angle très particulier et en faire une interprétation queer, que tu vas donc nous expliciter pendant cet épisode carte blanche. Dit comme ça pourrait paraître étrange à certains de nos auditeurs, donc est-ce que tu peux développer Alors oui, bah déjà que j'invente pas grand-chose hein, en proposant ça, c'est pas du tout révolutionnaire. D'autres, on va dire, amateurs de Disney ont fait ça avant moi, mais il suffit de regarder un petit peu sur Internet. On a beaucoup de billets de blog, de vidéos YouTube consacrées au sujet. On a également des fanfictions sur le sujet, sur les développements potentiels de l'histoire d'Elsa, parce qu'on va y revenir, c'est principalement... via ce personnage que se sont développées ces lectures queer, jusqu'à il y a quelques mois, donner lieu à un hashtag sur Twitter, Give Elsa a Girlfriend, donc pour réclamer le fait que dans la Frozen 2, donc la suite prévue des dessins animés, la Reine des Neiges, donc Elsa, ait droit à une petite amie. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous expliquer, plutôt que forcément revenir sur ces interprétations, c'est de montrer pourquoi, à mon sens, elles sont valides. Tu voulais nous présenter un auteur qui a particulièrement développé cette idée de relire de façon gay ou de façon queer les productions populaires. Oui, cette lecture queer des productions qu'on dit mainstream, donc des productions qui s'adressent au plus grand monde, a notamment été portée par un universitaire américain qui s'appelait Alexander Doty, qui était professeur en études cinématographiques à l'Université d'Indiana, qui est malheureusement décédé en 2012. Il a pointé le fait, en fait, que longtemps, beaucoup des lectures gays et lesbiennes du cinéma se sont concentrés soit sur les productions explicitement LGBT, je pense à des séries comme The L Word, The Queer as Folk, ou alors sur la réception des productions ordinaires par les personnes s'identifiant comme LGBT. Mais ce que défend Doty, en fait, c'est à la fois que n'importe qui peut se livrer à une lecture queer, on n'a pas besoin d'être homosexuel ou queer pour faire ce type de lecture, et surtout que ces lectures queer peuvent émerger de n'importe quelle production, même celles qui sont explicitement dans le système hétéronormatif, patriarcal, typiquement donc ce qui arrive par exemple dans les productions de Disney. Une dernière chose sur laquelle souhaitait particulièrement insister Doty, c'est le fait que ces lectures ne sont pas simplement alternatives ou à rebours du texte ou, comme on dit souvent, des intentions de l'auteur. Ce sont des lectures qui existent, qui sont tout aussi valides que les autres qu'on dit dominantes. Il suffit de, si vous voulez, d'ouvrir les yeux. Et donc Doty, lui, il parle surtout du cinéma classique hollywoodien dans ses écrits ? Oui, c'est ça. En fait, Alexander Doty, il montre que le cinéma hollywoodien est particulièrement propice à ses lectures. Donc je vais vous citer d'ailleurs un petit extrait traduit par mes soins de son ouvrage « Fleming Classics », sous-titré « Queering the Film Canon », donc rendre queer, on va dire, les grands films, les films les plus connus. Alors je vous cite un extrait, c'est « Le codage des textes dits classiques ou grand public » peut souvent dévoiler une grande gamme de lectures non hétérosexuelles, car certains sujets sexuels ne pouvant être abordés ouvertement rendent alors plus ambiguë la dimension érotique d'un film ou d'une star. Donc en fait, la censure et l'autocensure ou la censure des auteurs hollywoodiens fait qu'en fait on peut y voir quelque chose derrière. Oui, tout à fait. C'est que comme on dit rien, on va dire de façon explicite dans le cinéma hollywoodien classique, à rebours, comme c'est pas très clair, on peut y voir beaucoup de choses. Et donc, est-ce que j'imagine que Doty parle en particulier du genre de la comédie musicale ? Oui, le genre du musical va être considérablement en fait fécond pour ce type d'analyse, à la fois parce que comme c'est un genre familial par excellence, évidemment on ne doit pas du tout traiter frontalement des sujets sexuels, mais aussi parce que comme on a dans une comédie musicale, comme tu le sais, de nombreux numéros musicaux, ça permet de devoir traduire en chant et en danse un certain nombre de systèmes symboliques de valeurs, et c'est souvent dans cet exercice de traduction qu'on peut caser pas mal de choses. Alors est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Par exemple, un film que tout le monde connaîtrait Oui, un des articles, donc encore une fois, d'Alexander Doty, un de ses articles les plus saisissants et peut-être étonnants, on va dire, au prime abord, c'est la proposition qu'il fait sur Le Magicien d'Oz. Il propose de le relire comme un fantasme lesbien de la part de la jeune Dorothy. D'abord parce qu'il insiste sur le fait que rien n'inscrit Dorothy dans l'hétérosexualité, il n'est pas du tout question de romance dans ce film, donc c'est peut-être que la jeune fille n'est tout simplement pas intéressée par l'hétérosexualité, mais aussi il lit le duo Glinda d'une part et la méchante sorcière de West d'autre part, comme les deux modèles de lesbiennes, c'est-à-dire deux sorcières, on y reviendra, qui s'offrent à Dorothy. D'une part, la lesbienne femme, donc celle invisible, celle dont on ne voit pas qu'a priori elle est lesbienne, et d'autre part, la butch, la lesbienne visible, qui est hors des normes hétérosexuelles. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que la MGM voulait faire la promotion de l'homosexualité féminine, ni même que c'est conscient, en fait, pour ceux qui font le film, mais simplement que c'est une interprétation possible, qui est informée et tout aussi valide que les autres. Alors du coup, on va revenir donc à notre sujet du jour, qui est le film Frozen. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu trouves que ça se prête à ces interprétations-là ? Oui, donc toutes ces interprétations, comme je le disais tout à l'heure, ces interprétations gays sont surtout concentrées sur le personnage d'Elsa, d'abord parce que c'est une princesse qui se construit et s'affirme hors de toute inscription dans un couple hétérosexuel. Ouais, il y avait déjà un peu ça dans le film de Pixar Rebelle, qui n'était pas une comédie musicale par ailleurs, mais... Tout à fait, mais c'est un petit peu le même modèle, en fait, l'histoire d'une émancipation, mais il me semble qu'en fait, autant pour Rebelle, ça passe avant tout dans la résolution des conflits, et notamment de sa relation avec sa mère, c'est moins une histoire en fait d'affirmation que le fait de trouver comment faire coexister une personnalité affirmée avec des désirs parentaux. Je pense qu'on est moins sur l'histoire d'une révélation, finalement, dans le cadre rebelle. Et alors surtout, oui, donc Elsa va être caractérisée par ce pouvoir, cette particularité, peut-on lire. Ouais, juste pour rappeler, dans le film, c'est quoi son pouvoir ? Elle touche... Alors elle, c'est le pouvoir de faire transformer tout ce qu'elle touche en glace. Voilà, c'est ça. Et donc c'est assez handicapant, en fait. On imagine. Au début du film, c'est ce qui cause en fait un accident avec sa sœur. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'on diagnostique cette particularité, donc qui la rend différente, qui terrorise ses parents parce qu'ils ont peur que... Bah, à cause de ça, elle fasse du mal aux autres et elle s'en fasse à elle-même. Et donc, c'est une particularité contre laquelle elle doit lutter et qui doit absolument rester secret. Là encore, vraiment, je n'invente rien, je vous fais que raconter l'histoire du film, mais en fait, ça résonne vraiment étrangement pour tout spectateur, jeune ou moins jeune, qui a eu l'expérience, comme on dit, du placard, c'est-à-dire d'avoir, à un moment donné de sa vie, été contraint ou avoir préféré opter pour le fait de cacher son homosexualité. D'ailleurs, dans le film, elle est enfermée, elle veut pas sortir parce qu'elle veut pas... Oui, c'est ça, en fait, littéralement, ses parents l'enferment donc dans un placard pour pas qu'elle soit en contact avec le monde extérieur, pour pas qu'elle soit en contact aussi avec sa sœur, et donc que ce pouvoir ne se manifeste pas trop. Et je pense que vraiment, la métaphore du désir homosexuel est d'autant plus grand quand le médecin, en fait, ou en tout cas le sorcier, je ne sais pas, qui diagnostique le problème d'Elsa, insiste en disant à ses parents que c'est un problème qui va ne faire qu'aller en s'accroissant en mesure de son passage à l'âge adulte. Donc on peut y voir une métaphore assez lourde de la puberté et de la découverte de soi à l'âge adolescent. Et en plus, comme tu disais, là aussi, c'est aussi une histoire de sorcière, on y revient. Bah oui, et dans l'article de Doty, sur le magicien d'Oz, il insistait en fait sur une tradition ancestrale de lien, plutôt lié en fait à la culture occidentale, de lien donc entre les lesbiennes et les sorcières. Et du coup, tu voulais parler d'une chanson, d'un numéro en particulier ? Oui, tout à fait. Il me semble que c'est surtout dans la chanson flamboyante « Let it go », donc « Libéré, délivré » en français, qu'on voit vraiment ce passage du placard au dehors. Donc cette fameuse chanson qui a beaucoup plu à de nombreux enfants. Hein. Je crois qu'elle a fait le malheur d'un certain nombre de parents, les enfants et notamment les petites filles s'étant pris d'amour pour cette chanson extrêmement forte, au cours de laquelle donc Elsa libère ses pouvoirs et se libère elle-même. Et donc cette métaphore de la transition du placard vers le dehors s'exprime, il me semble, à tous les niveaux de la chanson. Et on l'entend notamment de manière assez claire dans les paroles en fait de la chanson. Oui, parce que alors déjà dès le premier couplet, elle exprime très clairement cette injonction à garder enfouis des sentiments irrépressibles présentés comme dangereux. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Et donc là, c'est quelques derniers mots. Well, now they know, maintenant ils savent. C'est une référence à la séquence précédente qui a conduit à son exil, puisqu'elle a été outée. Ses pouvoirs, en fait, s'étant publiquement manifestés à son insu, elle a dû quitter le château où elle venait d'être intronisée, donc fait reine suite au décès de ses parents. Je fais plein de spoilers, je m'excuse. Et donc en fait, dans le refrain qui suit, il y a cette fameuse reprise du lancinant « Let it go ». Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. Cold never bothered me anyway. Et en fait, pendant l'ensemble du reste de la chanson, elle va filer cette déclaration d'indépendance. Elle va décider d'être elle-même sans tenir compte du regard des autres. Donc en fait, la traduction française ne me semble pas totalement rendre justice au texte original, non. Puisque dans la version française, le « let it go » est traduit par « libérer, délivrer », donc avec le participe passé, donc la voix passive, on a l'impression que Elsa doit être libérée par quelqu'un, alors que dans le « let it go », on comprend bien que c'est elle-même qui se libère, c'est d'elle que ça doit venir, elle doit abandonner en fait tout simplement ses résistances à ne pas vouloir se montrer telle qu'elle est. Et du coup, au-delà du texte, ça se joue aussi, ça s'incarne en fait dans la musique et dans les images de ce numéro. Oui, cette chanson qui est tellement entêtante s'inscrit dans la tradition des chansons d'empowerment, d'affirmation des personnages féminins, donc c'est quelque chose qu'on a souvent à Broadway. Mm-hmm. Sur scène, c'est typiquement le genre de chanson qui va arriver à la fin du premier acte. Je pense notamment à une comédie musicale qu'on a déjà évoquée à un moment des précédents podcasts qui s'appelle Wicked et dont le premier acte se clôt sur Defying Gravity. On reviendra à pas mal de points communs avec Let It Go. Donc c'est vraiment un type de chanson typique de Broadway. Et ce caractère particulièrement en puissance, comme disent nos amis québécois. Et donc cette chanson, elle résonne aussi par rapport à son interprète. Donc elle est chantée en version anglaise par Idina Menzel, qui est une chanteuse de Broadway, enfin même une star de Broadway, on peut le dire, qui est connue par sa capacité à chanter en voix belte, donc cette voix de poitrine fort, particulièrement utilisée en comédie musicale et qui sert à exprimer des sentiments particulièrement, on va dire, virulents, affirmés. Et Idina Menzel, on revient à Wicked, qui a évidemment créé le rôle d'Elphéba, donc qui est aussi une sorcière, aussi un spin-off, enfin un prequel du Magicien d'Oz. On y revient, oui. Et une comédie musicale d'ailleurs, Wicked, qui elle aussi mettait en scène un lien d'amitié très fort entre deux femmes. Ouais. Donc on est un peu dans ce style de comédie musicale. C'est une chanson qui incarne la puissance à la fois, on va dire, par la chanson elle-même, mais aussi par toutes les références qu'elle mobilise, à la fois par son interprète et en renvoyant à d'autres œuvres. Et alors visuellement, ça se manifeste comment ? Alors là, on est dans le domaine de l'animation, donc on a quasiment aucune limite, on va dire, au spectaculaire de la séquence. Donc il y a de nombreux effets de jaillissement lors de la construction d'un château, parce que pendant cette séquence, Elsa va se construire elle-même un château de glace. Ouais. Et donc de nombreux effets de jaillissement, des effets de glace, des escaliers qui se construisent miraculeusement, donc ont sans doute dû être pensés pour l'exploitation en 3D du film, mais qui vont vraiment renforcer le spectaculaire et donc l'impact de la chanson. D'autant plus que ces effets spectaculaires vont accompagner les temps forts de la musique. Je pense à l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, le tout début de la chanson, avant le premier refrain, quand Elsa chante « Well, no, they know » sur la note tenue de « no », on a un brusque changement d'angle de la caméra, un point de vue en plongée, qui va accompagner son geste de jeter le gant qui devait contraindre ses pouvoirs et qui maintenant sont libérés. Ensuite, sur chaque « let it go », elle fait apparaître un petit jaillissement de glace. Donc on a vraiment une animation qui va accompagner et renforcer ce spectaculaire de la musique. Évidemment, on a également une transformation du visuel du personnage au cours de la séquence. En abandonnant un costume strict et contraignant, elle relâche ses cheveux, elle se redresse, elle adopte une belle robe. Donc on voit que l'épanouissement finalement de sa féminité au cours de la séquence exprimait bien le fait que ce pouvoir était sexuel. Et du coup, dans le reste du film, tu vois aussi des aspects qui participent à ça. Je trouve que le personnage d'Anna aussi, même s'il est plus classique, a quand même une originalité en tant que personnage féminin, et bien sûr aussi avec son lien avec sa sœur, enfin, il y a des choses très fortes à ce niveau-là. Oui, oui, bah, Anna, elle va tout à fait rejoindre la tradition des héroïnes Disney un petit peu guerrières, comme Mulan, comme Rebelle. C'est-à-dire qu'elle est en décalage avec les codes de la féminité respectable. Elle est à la fois courageuse et aussi assez ordinaire, en fait. C'est un peu le prototype de la girl next door, mais qui est tout à fait combattante, parce que c'est elle qui va vouloir aller sauver sa sœur. Et si au début, en fait, elle incarne un petit peu la petite sœur naïve qui va se fourvoyer dans qui tombe amoureuse super vite. Dès le début... Elsa est réprimande sa sœur pour lui dire maintenant tu vas pas te marier tout de suite avec le premier venu. Et ben on apprend au cours du film, énorme spoiler. Non. C'est un moment très choquant. Hein. Moi je me souviens que j'ai fait. Moi j'étais au cinéma et quelqu'un a hurlé. Enfin, ça devait être une américaine, elle a fait oh non. C'était assez spectaculaire. Bon, il y a un retournement de situation, chers auditeurs, qui montre que Elsa avait sans doute bien fait de mettre sa sœur en garde contre les illusions du mariage avec le premier prince charmant venu. Que finalement, c'est plutôt avec son bon pote, le prototype du gars sympa, mais pas forcément qui en correspondant en tout point aux archétypes du prince charmant, archétype physique en tout cas, du prince charmant. Et c'est finalement avec celui-là qu'elle finira. Et le dernier point, comme tu disais tout à l'heure, c'est effectivement que ça met finalement le lien entre les sœurs, la force de la sororité, en avant plutôt que sur la quête de la romance, que c'est le vrai baiser d'amour entre les deux sœurs qui va finalement arranger la situation. Oui, bah c'est en fait un peu ça le twist final, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de baiser d'amour qui doit sauver la situation. On croit que ça va être un baiser d'amour entre un homme et une femme, et en fait, c'est la relation entre les deux sœurs qui est le vrai amour dans le film. Oui, je sais pas, je n'ai rien ajouté, c'est parfait. Donc le dessin animé peut être lu comme une sorte de libération conjointe entre de deux sœurs, l'une hétérosexuelle, l'autre lesbienne. Ben merci Fanny, et j'ai juste envie de dire pour conclure que je pense que la prochaine étape maintenant, ça serait que Disney enfin nous crée un personnage qui soit explicitement homosexuel, parce que j'adore, je trouve ça passionnant les interprétations queer, mais un jour ça serait bien d'avoir une vraie représentation. Disney s'est un peu moqué de nous avec, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé, la Belle et la Bête, le film live qui est sorti l'année dernière, ou en début d'année d'ailleurs, dans lequel le personnage de Le Fou, donc le compagnon de Gaston, avait été vendu comme étant homosexuel, et en fait ça se... Je sais même pas quoi dire. Ça se manifeste dans deux secondes de film où c'est plus ou moins tourné en dérision, donc c'est jamais vraiment pris au sérieux. Exactement. Quoi. Donc voilà, on attend que ça soit Elsa qui enfin get une girlfriend dans Frozen 2 ou un autre. Voilà, on espère que ça finira. Espoir. Voilà, exactement. Et ben merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de All That Jazz. Au revoir.